Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a décrété la nomination de Choi Il comme ambassadeur coréen qui sera accrédité en Grande-Bretagne.